du lait en poudre offert au gouvernement coréen par le gouvernement suisse par l'intermédiaire du Programme mondial de l'alimentation est arrivé le 12 coron au port de Nampo de la Corée.